avant de chercher à savoir si je m'en sors. Préoccupe-toi plutôt de ce que projette le vécu de ta sœur. Gros projet au véhicule, je m'en fous, mais toi t'as le seum. Trop projet le recul que t'as pas quand le vrai t'assomme. J'ai vu que les vendus, les tas se tassent, l'épiderme, oui. J'ai vu que des gens veulent nous taxer, qu'on fasse la taxidermie. La nuit, tous les rats sont grillés, les gros tox, ils meurent vite. La vie est un sourire au botox, une putain de toxicernie. Si je laisse la violence parler, c'est que je pense par les événements de nos vies et nos vices qui sont depuis le départ les tous possus de notre âme. C'est pour mes trentenaires, mes quadras, que la vie génère, fini vénère. J'ai plus trentenaire dans chaque droite. Chaque fois que j'ai fait chaque choix, je l'ai pesé. Chaque femme que tu te fais chaque soir, tu devrais l'épouser. Ils m'ont dit t'inquiète, l'avenir appartiendra au pôle emploi. Je les ai vus revenir à point sur un putain de poêle à bois. Les petites sourires en coin veulent finir à poil sur un bar. Je suis pas un exemple, ne m'essuie pas si la langue de ton surin passe. La vie est une dette, j'ai rempli le dossier de surendettement. S'ils disent la vie est une fête, je vise à coup sûr le surentêtement. Sur ma tête, je mens pas quand je m'en pars du stylo. Pour ça que j'ai mon style, fuck ta philo, l'air au stylo micro. Les petits m'ont dit si les rappeurs font des sous, on les braquera. Fais-nous des sons, rends les fous. Mais wesh gros, surtout ne craque pas. Mais surtout ne craque pas. Mais surtout ne craque pas. Mais surtout ne craque pas.